Moussie sous tabac, j'aime suyer. Comme on faut donc pas manger viande. L'hypocrisie sera cadavre. Manger au serré, c'est l'eau chauffée. Monsieur nous dit, nous filer pour avoir quoi faire cabaret, moi de parler ça. L'expérience même pas applaudir. Si la femme te connaît ça, yo, en bas, yo, coup de ciseaux, ça y va, yo, t'a fait nous grimper. Montez mon pépé, j'ai le pado. Du goût de l'eau, moi. La chance pas bonne chemin pour passer. De rencontrer mon Jésus au corps. D'avoir donné le coup à cac mental. D'aime demander le bout qui a raison. La réjouis, moi, t'as content. Ces sentiments, y'ont dernier rencontre. Faire dans ville qui permettent moi de me corriger. Ces sentiments, y'ont dernier rencontre. Faire dans ville qui permettent moi de me corriger. Evidence. Chantal va comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada.